Notre matinée d'agrégation, ceux qui sont à distance et puis ceux qui sont dans la bibliothèque Cyber qui nous accueille si gentiment. Je vais dire quelques mots d'introduction et puis on va commencer la matinée proprement dite. Si jamais ceux qui sont à distance ont des problèmes d'audition, n'hésitez pas à le signaler. Vous pouvez vérifier s'il y a des problèmes parce qu'effectivement le but du jeu c'est que tout le monde puisse suivre facilement cette... Ouais. Super. Donc c'est vraiment pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce matin en présentiel et en distanciel et je le fais en tant que président de la Société des études romantiques, ce que je suis depuis décembre 2020. Moi, première, également d'ailleurs, parce que si je suis bel et bien agrégé, en fait je suis agrégé d'histoire et non pas de lettres, et donc j'ai souvent préparé des programmes d'agrégation d'histoire, mais c'est la première fois que je me mêle, très modestement, de l'agrégation de lettres. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pas seulement parce que je préside la SERD, mais surtout parce que je suis spécialiste d'histoire des spectacles au 19e siècle, donc directeur d'études à l'OPHE et titulaire de la chaire d'histoire des spectacles à l'époque contemporaine. Quelques mots de remerciement que vous me pardonnerez de faire, mais je vais rapidement pour qu'on puisse tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette matinée, la bibliothèque Cibachère qui nous accueille, Agnès Curel, dont vous avez, je pense, déjà consulté la bibliographie en ligne sur le site de la SERD, Victoire Feuillebois, la secrétaire générale de notre association, Fanny Arama, qui a beaucoup fait pour cette séance, Antonia Fonny, tous les membres du bureau de la SERD. Et bien sûr, un immense merci à Hélène Laplace-Claverie et à Patrick Beignet qui ont accepté mon invitation et qui vont intervenir dans un instant. Juste un mot pour dire qu'il me semble, de mon point de vue extérieur d'historien des spectacles, que la présence d'Edmond Rostand au programme de l'agrégation est un événement. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Dans son édition de Cyrano, Patrick Beignet, qui est juste à côté de moi, rappelle, je cite, « l'ostracisme dont Rostand a constamment souffert de la part des intellectuels, entre guillemets, et clairement le choix de Cyrano pour le programme de l'agrégation, je crois, est une façon de revenir sur cet ostracisme. Ce choix, je le vois s'inscrire dans un vaste mouvement, non pas de réhabilitation, le mot serait maladroit, mais de reconsidération du répertoire dramatique et lyrique au XIXe siècle, un mouvement qui s'est grosso modo développé à partir des années 1990, avec bien sûr quelques grands précurseurs dont je ne rappelle pas les noms, un mouvement surtout, et je pense que pour la préparation de cette pièce, c'est important de l'avoir en tête, un mouvement interdisciplinaire, puisqu'à côté de spécialistes de lettres modernes, de littérature comparée, ce sont aussi des civilisationnistes, des historiens, des musicologues, des économistes, des spécialistes d'études théâtrales, des historiens d'art, qui se sont mis à travailler sur ce vaste répertoire. Ce mouvement n'est pas allé sans résistance, dont d'ailleurs certaines perdurent. Tous ceux qui travaillent sur le théâtre au XIXe siècle le savent bien. Bon, il n'est pas lieu d'en faire ici l'histoire. D'ailleurs, si je peux revenir juste un instant sur mon cas, je pense que les fondateurs de la SERD, quand la société a été fondée en 1970, auraient été pour le moins surpris que leur société soit un jour prêtée par un historien ayant fait sa thèse sur Eugène Scribe et son HDR sur Offenbach. Ils auraient sans doute trouvé ça du plus mauvais goût. En tout cas, donc, ce mouvement a permis une multiplication des recherches sur le répertoire dramatique et lyrique du XIXe siècle, dans lequel, bien sûr, s'intègrent les travaux menés sur Edmond Rostand. Un dernier mot, ou plutôt deux derniers mots dans cette courte introduction. Cyrano de Bergerac est mis au programme d'agrégation au moment où, en novembre prochain, Feydeau va rentrer dans la Pléiade, avec un volume conçu par Violet Néron, et je pense que ces deux événements peuvent être mis en parallèle. Et donc on a véritablement une évolution dont je me réjouis et que je tenais à signaler en préambule à nos travaux. Et puis le deuxième point que je veux citer, Marie-Ange Fougère, qui est très active à la SERD, a coordonné un ouvrage qui vient de paraître aux éditions universitaires de Dijon, les EUD. C'est un collectif comportant un article sur chaque œuvre au programme, et ça s'appelle du beau titre « Réussir l'agrégation de lettres modernes 2022 ». Et vous aurez un article sur Cyrano dans ce volume. Je me permets de vous le signaler, puisque ça s'est fait sous les auspices de quelqu'un qui nous est très proche, Marie-Ange Fouget. Alors, donc, notre matinée, nous allons avoir trois interventions. C'est bon? Oui, les gens regrettent qu'on ne voit pas l'interview. C'est dommage, donc vous êtes très proche de la caméra. D'accord. Je vais tout simplement essayer de la bouger un petit peu. Enfin. Parce qu'en fait, il faut que vous puissiez... par rapport au PowerPoint. Très honnêtement, les gens qui regrettent de ne pas me voir, je suis plus Cyrano que Christian, donc j'ai plus vocation à rester dans la coulisse, sous la fenêtre, que vraiment comme un jeune premier en première place. Donc vous ne perdez rien. Par contre, ma belle voix, effectivement, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Donc pendant qu'on fait ces petits essais techniques, je rappelle donc comment nous allons procéder. Donc, il va y avoir trois interventions faites par moi-même, Hélène Laplace-Favry et Patrick Beignet. L'ordre est en fait lié au fait qu'on va aller du général au particulier. En fait, Patrick Beignet et Hélène Laplace-Favry, pardon. Donc, ouais, déjà un ordre à trois, j'ai du mal à le dire dans le bon sens. Mais donc l'idée, c'est d'aller au particulier. Donc trois interventions d'environ une demi-heure chacune. Et puis après, on aura toute une phase de discussion, de questions posées soit ici même à la bibliothèque Bachère, soit bien évidemment de la part de ceux qui nous font pitié d'être avec nous à distance. Donc je vais commencer, puisque c'est moi qui vais parler sur un angle de généralité plus marqué et... contrairement à mes deux collègues et amis, je vais présenter un PowerPoint